est une grande bénédiction pour cette communauté. Est une grande bénédiction pour cette communauté. وإن ذهب أهل العلم وعلماء الشريعة لمصيبة كبرى على هذه الأمة بل على غيرها والناس أجمعين. Et certes, le départ des savants, leur décès, est une grande épreuve et un grand malheur pour cette communauté et même pour l'ensemble des gens. Dit plutôt pour l'ensemble des gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna Allah la yantazi'u al-'ilm intiza'an min suduri al-'ulama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ou comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, certes Allah ne va pas enlever la science, ne va pas arracher la science en enlevant du cœur des savants. Walakin bimawt al-'ulama, mais c'est plutôt avec le décès des savants. C'est plutôt avec le décès des savants. حتى إذا لم يبقى عالم أو يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants. C'est alors que les gens se mettront à prendre à leur tête des ignorants. فسئلوا فأفتوا. Et ils seront questionnés et ils répondront et émettront des avis juridiques sans science. فَضَلُّوا أَضَلُّوا. Ils s'égareront eux et égareront les autres. فَإِنَّهَا لَمُصِيبَةٌ. Sans aucun doute, c'est un malheur. وَبِحَمْدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَفِظَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ هَذَا الدِّينِ بِوُجُودِ الْعُلَمَةِ. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il a préservé cette religion par la présence de nos savants ulama ahli sunnah. Wa hadha ba'da mawti an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi wujudi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Aisha wa Muawiyah ila ghayri dhalikum min as-sadiqin al-ulama an-nasihin. وكابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه ومعاذ ثم بعد ذلك في زمن التابعين وأتباعهم كالسفيانين وكالحسن البصري وعمر ابن عبد العزيز إلى غير ذلك ثم بعد زمن أسلافنا الصالحين يعني والأئمة الأربعة وبعد زمن بعد زمانهم كابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وابن كثير والذهبي وبعد زمانهم كشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وشيخ عبد الرحمن بن حسن وذرياتهم وإلى زمن غير بعيد عنا كعبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وكالشيخ محمد بن إبراهيم وكالشيخ بن باز والشيخ عمر فلاتة إلى غير ذلك كابن عثيمين والألباني والشيخ مقبل ابن هادي الوادعي وكالأحياء مثل المفتي شيخ عبد العزيز وشيخ صالح الفوزان وشيخ صالح اللوحيدان وشيخ ربيع ابن هادي المدخلي وشيخ عبيد و شيخ محمد علي آدم وكشيخ وسيل الله وشيخ عبد المحسن العباد وعلماء آخرين وليس للحصر حفظ الله عز وجل دينه بوجود العلماء. Et le prophète et Allah تبارك وتعالى a préservé cette religion par la présence des savants depuis la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. par Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Aisha, Ibn Abbas, Mu'adh et bien d'autres. Puis à l'époque des Tabi'in et ceux qui les ont suivis, comme Hassan al-Basri, Omar ibn Abdelaziz, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Shu'ba et beaucoup d'autres. Puis jusqu'à l'époque de l'imam Ahmed et avant lui, Malik, Shafi'i et beaucoup d'autres. Puis à l'époque d'Ibn Taymiyyah, comme lui-même et Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir, al-Zahabi. Puis des siècles après avec Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et sa descendance. Puis des siècles après, des gens non loin de notre époque, comme Cheikh Mohammed al-Amin al-Shinqiti, Cheikh Omar Fallata et beaucoup d'autres. Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi et Abdurrahman ibn Sa'di. Beaucoup d'autres, comme Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Al-Albani, Cheikh Mokbil et Al-Tawajri, et beaucoup d'autres, comme ceux qui sont encore vivants, comme Cheikh Abdel Mohsen Abbad, comme Cheikh Salah Fawzan, Cheikh Salah Al-Lohaydan, comme le Mufti actuel, comme les Amaza, Cheikh Abdel Mohsen, Cheikh Rabi', Ibn Hadi Al-Madkhali, Cheikh Ubaid, et comme d'autres savants de Mecca, Ibn Ali Adam l'Ethiopie, wa Cheikh Wasiullah Abbas, Cheikh Mohamed Bazmoul, et d'autres parmi les ulama de tout pays. Certains nous les connaissons, et d'autres, si nous ne les connaissons pas, cela ne leur nuit en rien. Ils sont connus chez Allah Azza wa Jal. Et connaître les ulama, leurs noms, leurs efforts, leur da'wah, leurs élèves, leurs ouvrages, fait partie des choses louables par lesquelles on fait vivre la science. فَإِنَّ مُذَاكَرَةَ الْعِلْمِ حَيَاتُهُ. Car se rappeler la science et les savants, c'est leur vie. Et comme le disaient les savants, le savant décède, mais en réalité il reste de par l'évocation de sa science qui est restée. Le savant décède, mais en réalité il reste de par la citation de la science qu'il a laissée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit même: إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. C'est une sadaqa jariya, et ces hasanas font partie des plus grandes et des plus durables, car lorsque le serviteur décède, le prophète alayhi wa sallam nous dit toutes ses actions s'arrêtent sauf pour trois: une aumône qui perdure, un enfant pieux ou une science de laquelle on continue à tirer profit. Et c'est le cas des ulama. Et parmi les choses qui attristent grandement, c'est d'entendre le décès d'un savant ou d'un grand étudiant en science, d'un noble shir min ahli sunnah. Et ces jours-ci, nous est parvenue la très triste et très douloureuse nouvelle du décès de l'un des amis de nos mashayikh et d'une personne de qui nous avons tiré science, qui est le Cheikh Yassin Al-Adani, rahimahullah, wa rafa'allahu qadrah, wa a'la dhikrah, wa taqabbalallahu subhanahu wa ta'ala min ash-shuhada, wa askanahullahu azza wa jal al-firdaus al-a'la min al-jannah. Wa nas'alullahu azza wa jal an yusliha ahlahu wa dhurriyatahu. Il a été assassiné lâchement et cruellement par des gens des troubles et de l'innovation. Par des gens des troubles et de l'innovation. Et il était actuellement en train d'enseigner le sharh de Kitab al-Tawhid. Et il sortait d'un cours de Kitab al-Tawhid, rahimahullah. Wa hadhi min al-bisharat al-azima. Et ça fait partie des bonnes nouvelles lorsque la personne fait de bonnes actions et qu'elle décède au suite de cela. Non seulement il enseignait le sharh de Fath al-Majid, qu'il avait enseigné déjà plein de fois. Et moi-même, je l'ai vu en train d'enseigner ce livre-là. Et son assise était la plus grande assise du marquès de Shamokhbila rahimahullah ta'ala. La plus peuplée. Et nos enseignants sont passés entre ses mains. Des milliers de personnes ont étudié devant lui l'aqidah wa tawhid. Et c'était sa spécialité, mais il enseignait également dans d'autres matières, comme le fiqh et comme le hadith. Il a enseigné bon nombre de fois l'aqidah al-wasitiyya. Et il a un sharh, et il a un tahqiq du livre, et moi-même je l'ai étudié. C'est ce livre-là que j'ai étudié. Walillah alhamd wal minna. Le livre dont il a fait le sharh et le tahqiq de Cheikh Mohamed Khalil al-Harras. Na'am. Et il a enseigné et fait le tahqiq et le sharh de Al-Aqidat al-Tahawiyya avec le sharh d'Ibn Abi al-Izz. Et c'est celui-ci qu'on a étudié de son livre, Rahimahullahu Ta'ala. Et il a enseigné le Qawa'id al-Muthla. Et celui qui m'a enseigné est celui qui l'a appris de lui. Donc beaucoup de choses qu'on transmet, il en a les hasanat, Rahimahullahu Ta'ala. Et il enseignait actuellement le sharh de l'aqidat al-wasitiyya. Le sharh de l'aqidat al-wasitiyya. Et il lui est resté peu de ce livre. Ah, dont il faisait le tahqiq et l'enseignement. Donc ça, ça fait partie des bonnes nouvelles et des bons signes de la bonne fin de la personne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsqu'Allah veut du bien pour un serviteur, asala. Idha arada Allahu bi 'abdi khayran asala. Qila wa ma asala ya Rasulullah? Qala yasta'miluhu fil khayr. Yasta'miluhu fil khayr wa yuwaffiquhu ila 'amalin salihin yaqbiduhu 'alayhi. Que signifie asala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah veut du bien pour un serviteur, il asalahu. Les compagnons ont dit: ça veut dire quoi, le messager d'Allah? Il a dit: ça veut dire qu'il lui facilite une bonne action. Il lui facilite à faire du bien et ensuite il reprend son âme à la suite de cela. Et il lui enseignait l'aqidah al-tawhid. Il propageait l'aqidah al-tawhid. De ma faible expérience, je n'ai jamais vu une personne plus enseignée l'aqidah que cet homme-là, rahimahullahu ta'ala. Et il était très humble. Et il nous accueillait avec modestie et avec sourire et répondait avec nos questions et nous accordait du temps. Et nos enseignants nous faisaient beaucoup ces éloges. Et il était ferme à la sunna malgré sa douceur. Il était toujours au pied des savants et ne devançait pas les ulama. Malgré son niveau de science, il ne se voyait pas parmi les savants. Mais il revenait aux ulama comme Cheikh Ubayd et d'autres et n'acceptait pas qu'on fasse ses éloges. Et un jour, un grand talib du Yémen, un shir connu, lors d'un séminaire, a fait ses éloges, il n'y a pas longtemps. Et il a cité un minimum sa biographie. Et il a vanté ses mérites. Et lui-même a appris auprès de lui, comme beaucoup de nos enseignants. Car c'est un des plus anciens et un des plus grands élèves de Cheikh Mohamed rahimahullah ta'ala. Il enseignait même à son époque, subhanallah. Donc plus de 20 ans. Naam. Et lorsqu'il a pris la parole, il a dit la dua du prophète alayhi salatu wassalam, dans laquelle il demande à Allah le bien de cette soirée et de le préserver du mal de cette soirée. Puis il a dit: parmi le mal de cette soirée, les éloges que vous venez d'entendre de un tel. Et il lui a dit en face et en public, et il a réprimandé ces éloges-là, il les a rejetés et a dit qu'il était bien en dessous de cela et qu'il ne convenait pas de faire ces éloges-là en public et qu'il n'avait pas ce niveau. Et que certes, de vanter les mérites d'une personne en sa présence peut être une cause de son égarement. Et c'est ainsi qu'on l'a connu, Mutawadhi. Et dès le matin, en montant à la Maktaba, tu le trouvais en train d'étudier. Et il faisait partie des gardiens de la Maktaba de Cheikh Mohamed rahimahullah ta'ala. Et lorsque tu quittais la Maktaba, il faisait partie des derniers à en sortir. Et il y dormait parfois, rahimahullah ta'ala. Comme notre cher Fadh, rahimahullah ta'ala, racontait, qu'avant de se marier, ils dormaient par moments à la maktaba. Ils étudiaient, puis ils dormaient et se réveillaient pour adorer Allah Azza wa Jal. Subhanallah, une vie dans l'ilm. Ce qu'on a connu d'eux, une vie dans l'ilm. Et subhanallah, comme ils ont été décrits, ces kilab min kilabi ahli nar ont mis des explosifs sous sa voiture. Elle a brûlé entièrement. Et ils l'ont brûlé, wal'iyadu billah. Faras Allah yaghfira lahu yarhama wa yantaqima min haula al-mujrimin. Et il laisse derrière lui une descendance. Et on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il leur accorde la piété et la droiture. Il laisse derrière lui femme et enfant. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et lorsque la personne décède sur le bien, tu ne t'attristes pas de son décès. Mais ô combien les gens avaient besoin de la science avec laquelle il est parti. Donc cela nous concernant, c'est un rappel pour redoubler d'efforts dans la recherche de la science et ne pas attendre le décès des gens de science un par un et dire « il y avait tel cours, il y avait tel cours ». Et on ne sait pas quand est-ce qu'on décédera. Et il n'y a pas de ulama en France. Et il n'y a pas de ulama en France et de personnes qui méritent à ce qu'on revienne vers lui pour al-fatwa ou les grandes questions religieuses. Il nous faut donc aller vers les ulama et appeler les ulama et questionner les ulama et ne pas penser que de s'asseoir devant un talib ilm, quel que soit son niveau, est suffisant. Tu dois aspirer à meilleur que cela. Tu dois aspirer à meilleur que cela. Et tu dois faire des efforts dans l'apprentissage de la langue arabe et de la croyance authentique. Tu dois mémoriser du Coran, la hadith al-Nabawiyya. Tu dois étudier al-usul, la connaissance d'Allah, la connaissance de l'islam, la connaissance de la religion, la connaissance du prophète alayhi salatu wassalam. Et ne pas seulement t'attrister du départ des gens de science. Il a laissé un héritage, rahimahullah ta'ala, et on le propage pour ceux qui ont pu tirer profit de ses enseignements. Farahmatullah ala Sheikh Yassin العدني وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة وأن يرحمنا وموتانا وموتى المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرجع إلى درسنا poursuivons notre cours. أين وقفنا في الدرس الماضي؟ استغيتوا لسمة بسيء نعم طيب غزوة بدر الكبرى سماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان. وهي بدر العظمى والكبرى والثانية. لما اصطفى الصفان صفوا الموحدين وصفوا المشركين خرج من تهم بالضعف والجبن من الصف طالبا البراد lorsque les deux rangs, le rang des croyants, le rang des monothéistes et le rang des associateurs et de Quraysh, on fit face, trois d'entre eux, des associateurs, sont sortis du rang et ont demandé l'affront et le duel. Ceci car Abu Jahl, Adoullah, les avait accusés de lâcheté. Car Omeya ne voulait pas sortir car il avait reçu l'annonce qu'il allait décéder aux mains des croyants. Et il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il ne croyait pas en lui, ne mentait pas. Alors il avait fait le vœu de plus jamais sortir de Mecca. Parce qu'il ne savait pas est-ce qu'il allait décéder, il se disait en sortant de Mecca. Mais lors de la bataille de Badr, alors qu'il voulait ne pas y participer, Abu Jahl est venu le voir et lui a dit « Tu es un des chefs de Mecca. Si tu ne sors pas, les gens feront de même. » Et il l'a forcé et contraint à sortir. Alors il a dit, il est rentré chez lui et a dit à son épouse « Ya Umma Safwan, jahizin, prépare-moi. » Elle lui a dit « Mais tu ne te souviens pas de la parole de ton frère, de ton ami de Médine » C'est-à-dire que t'attends le décès aux mains des croyants. Il a dit « Ne t'inquiète pas, j'ai acheté le meilleur des chameaux et je vais juste avancer un peu avec eux et je reviens. » Pourquoi est-ce qu'il a pris le meilleur des chameaux? Pas pour le combat, pour se sauver au cas où il se passe quelque chose. Naam, il a dit « Je vais sortir quelque peu avec eux et je rebrousserai chemin. » Mais au fur et à mesure de l'avancée du djaïch de Quraysh, il resta avec eux. Abu Jahl l'accusait d'être peureux et autres. Alors il a été contraint de rester jusqu'à arriver dans le rang. Alors il est sorti, lui, son frère et son fils. Lui, son frère et son fils, Al-Walid. Et Hamza, Ali et Ubaïda, radiallahu anhum, sont sortis de leur position et les ont affrontés et les ont mis en déroute. Par la suite, le combat a commencé. Avant cela, il y a l'histoire de Sawad ibn Raziya. Sawad ibn Raziya, avec un roi, auparavant je l'avais cité avec un aïn. C'était une erreur de ma part dans plusieurs cours. Aussi, il a été dit que le sanad de cette histoire est munqati'a. Donc que cette histoire n'est pas authentique. C'est que lors de l'alignement et de l'annoncement des rangs, un homme qui se nomme Sawad est sorti volontairement du rang. Il n'était pas aligné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Istawi ya Sawad ». Sawad est resté à sa place. Puis le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, avec une chose dans sa main, l'a fait rentrer dans le rang en appuyant sur son ventre. Alors Sawad a dit « Aïe, ô message d'Allah, tu m'as fait mal. Par celui qui t'a envoyé avec la justice, je demande à ce que tu me rembourses cela. Na'am al-qisas, tu m'as fait une chose, je dois te la refaire. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a découvert son noble ventre et Sawad est tombé, il l'a attrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est collé à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Mahada ya Sawad, que fais-tu au Sawad ?» Et il lui a dit « Comme tu le vois au message d'Allah, il y a les deux rangs. Et c'est un jour, il y aura des défunts. Et j'espère en faire partie, ou je pense en faire partie. Et j'ai voulu que la dernière chose que ma peau touche soit la tienne. Et j'ai voulu que la dernière chose que ma peau touche soit la tienne. » Et en effet, il décéda lors de cette bataille. Mais il y a une divergence quant à l'authenticité de cette qissa. Ensuite, Allah Azza wa Jal envoya les anges. Au point, certains parmi les sahabas disent qu'on avançait sur la personne qui est en face de nous et avant de pouvoir le toucher, on le voyait tomber. Non, on le voyait tomber. Et cela fait partie du miracle qu'Allah Azza wa Jal a accordé aux croyants et du ta'id et du renforcement et de la préservation qu'Allah Azza wa Jal leur a donné. Et lorsque le prophète alayhi wa sallam a vu le combat commencer, il a dit « Qumu ila jannatin arduha as-samawat wal-ard. » Levez-vous vers un paradis vaste comme les cieux et la terre. Alors, ماذا؟ عمير بن الحمام، عمير بن الحمام هذه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض. Il lui a dit un paradis dont la vasteté est semblable à l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre, ou bien des cieux et de la terre. Qala na'am. Le prophète alayhi wa sallam lui a dit oui. Alors il a dit bakhin, bakhin. Quelle bonne chose, quelle bonne chose. Raja an yakuna minhum. An yakuna minhum. En espérant en faire partie. Faqala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anta minhum. Le prophète alayhi wa sallam lui a dit tu en fais partie. Thumma altaqa As-Saffan. Il mangeait, ce sahabi Umayr mangeait des dattes, ou bien lorsqu'il a entendu cela, il a sorti ce qui lui restait comme dattes. Il en a mangé quelques-unes, puis il a dit si je vis le temps de finir ça, alors ça sera une trop longue vie. Il les a jetées et il est parti. Il est décédé dans la bataille de Badr radiallahu anhu. Le prophète a uni entre ce combat et entre deux. Ni il est resté en retrait, ni il est resté constamment en avant. Ali ibn Abi Talib et d'autres parmi les sahaba nous disent que lorsque le combat se faisait difficile, on se mettait derrière le prophète a. Et c'était le plus fort d'entre nous. Et il leur disait, vous n'irez pas dans un endroit sans que je sois le premier d'entre vous. Il ne restait pas en retrait comme il a été dit juste dans l'Alif. Non. Mais il a uni entre l'entièreté des causes. Il faisait dua. Il demandait le secours d'Allah Azza wa Jal. Il préparait les sahaba. Il encourageait les sahaba. Et il a lui-même participé. Il a lui-même participé. Et parmi ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a dit à Ali ibn Abi Talib de lui donner des pierres ou bien du sable. Et il a jeté cela en direction des associateurs. Il n'y a pas une personne qui a été visée par cela sans qu'il fût touché. Là, ce sujet, Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Anfal, le verset 17, وَمَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Tu n'as pas jeté lorsque tu as jeté, mais c'est Allah qui l'a fait. Non. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a donné cet effet à cette cause qui, en temps normal, n'agit pas de la sorte. N'agit pas de la sorte, sallallahu alayhi wa sallam. Et tellement que le prophète alayhi wa sallam faisait dua que son vêtement se défaisait ou tombait et Abu Bakr lui remettait. Il lui remettait. Car dans toute situation, le croyant se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah azza wa jalla a fait descendre les anges et le prophète alayhi wa sallam faisait dua. Une partie du peuple de Quraysh rebrousse sa chemin. Une partie s'est sauvée. Puis Allah subhanahu wa ta'ala donna la victoire aux croyants. Et on avait cité, on s'est arrêté sur cela, Allahu a'lam, que Shaytan leur avait embelli le faux. Et il était venu sous l'apparence de Suraqa. Na'am. Et leur avait dit, la ghaliba lakum al-yu'min an-nas, yani vous n'avez pas madha. Personne parmi les gens pourra vous arrêter. Personne parmi les gens pourra vous tenir tête. Et Mada Suraqa ibn Malik était une personne qui était en dispute avec Quraysh. Et Quraysh avait peur qu'en sortant, son peuple, Bani Mudlij, s'en prennent à leur richesse, à leur famille. Mais lorsque Shaytan est venu sous l'apparence de Suraqa, Ibn Malik ibn Durshun, ça les a tranquillisés et ça les a fait avancer dans cet égarement. Mais par la suite, wa izayyana lahum shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'at al-fi'atan nakasa 'ala 'aqibayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun. Hey, al-malaika wa shiddat ba'sihim. Donc il a rebroussé chemin quand il a vu les anges. Shaytan, il les a abandonnés, s'est désavoué d'eux. Et Cheikh Abdelrazak nous dit une grande faïda dans cela, c'est que Shaytan t'embellit les choses, t'encourage à désobéir Allah Azza wa Jalla, et lorsque tu te retrouves fin fond du problème, il te laisse. Naam, il te laisse et il t'abandonne, il te fait croire que tu vas être heureux en désobéissant à Allah, il te fait croire que tu vas réussir, que tu vas gagner, que tu seras le meilleur, que tu seras élevé. Et quand tu tombes au fond du problème, ils se désavouent de toi, wal'iyadu billah. Puis ils se sont sauvés, Quraysh, et le premier à avoir fait cela est Khalid ibn al-A'lam. Il a été rattrapé et a été fait captif. Naam. Les musulmans les ont donc suivis. Certains ont été faits prisonniers et donc d'autres sont décédés. 70 en sont décédés, 70 ont été faits prisonniers. Ils ont pris le butin. Puis les savants, suite à cela, suite de la bataille, nous citent les têtes de Quraysh et les têtes des associateurs et ceux qui ont le plus nui aux croyants qui sont décédés le jour de cette bataille. À leur tête, Abu Jahl, qui était surnommé également comment? Abu al-Hakam. Ahsant. Abu al-Hakam. Abu Jahl, on le surnomme aussi Abu al-Hakam. Donc, Masra'u al-Turat. Abu Jahl, premièrement. Al-Bukhari Muslim nous rapporte l'histoire de son maqtal. Et il se prénomme Amr ibn Hisham. Abu Jahl, sa cognat Abu al-Hakam, il se prénomme Amr ibn Hisham. La'anahullah. Et c'était la tête de son peuple. La tête de son peuple, un point tel que lors du combat, il était tel un grand arbre où tout le monde venait se mettre à l'ombre et se réfugier. Naam. Ils étaient autour de lui et ils disaient, personne ne doit pouvoir atteindre Abu al-Hakam. C'est la place qu'il avait dans son peuple. Et c'était un de ceux qui nuisaient le plus aux croyants, qui insultaient le prophète, qui manquaient de respect aux croyants, qui essayaient d'humilier, qui battaient les croyants pour avoir dit la ilaha illallah, la'anatullahi alayhi. Il est décédé aux mains de deux jeunes parmi l'Ansar. De deux adolescents parmi l'Ansar. Le premier Mu'ad ibn Amr. Le premier Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh. Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh. Et le deuxième Mu'ad ou bien Mu'awwad ibn Afra. Mu'ad ibn Afra. Et de la bouche d'un shir, j'ai entendu Mu'awwad. Est-ce que c'est Sabq al-Lisan, c'est sa langue qui a fourché, ou c'est une autre appellation qui est citée dans certains textes? À la kulli hal, Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh et Mu'ad ibn Afra. Abdurrahman ibn Auf nous raconte l'histoire du décès de Abu Jahl. Il nous dit, Inni la fi safi yawm Badr. Il nous raconte, il dit, j'étais dans le rang le jour de la bataille de Badr. Idh iltafat, c'est alors que j'ai regardé sur le côté. Idh ma'adha, fa idha an yamini wa an yasari, fatayan haditha as-sin. Il dit, c'est alors que j'ai vu à mes côtés deux jeunes hommes qui étaient petits en âge. Non, qui étaient petits en âge. C'est la bataille de Badr contre les grands de Quraysh. Naam, leurs pires ennemis. Il est dans le rang. Il y a le combat. Il voit qui à sa droite? Un jeune homme. Il voit qui à sa gauche? Un jeune homme. Naam. Imagine, tu es dans le rang. Il y a Adam à ta droite. Naam. Et Abdurrahman à ta gauche. Yanis. Yanis, ça, il aurait eu la place d'Abdullah ibn Omar. Il aurait dit, t'es trop jeune. Fayyib. Fa'idha an yamini wa an yasari. Fatayan hadithan sin. Fakaanni lam aman bimakanihima. Ali, c'est comme s'il ne s'est pas senti à l'abri et est parfaitement épaulé d'être entre les deux. Dans une autre version, j'aurais tant aimé que soient à côté de moi deux grands hommes forts. Non? Pourquoi? C'est la bataille de Badr. Eux, ils sont pas venus à la base pour cette bataille, ils sont venus pour les rires. Donc les autres ont tout préparé pour une bataille et eux, ils sont venus juste pour les rires. C'est pour cela que la majeure partie du groupe, c'était les gens de Al-Khazraj, ceux qui étaient sur place. Après, quelques-uns parmi les Aws et quelques-uns parmi les Muhajirun. Non, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait même pas permis d'aller au fond de Medina pour récupérer les montures. Donc, il nous raconte ce passage. Il nous dit il qala li ahaduhuma sirran an sahibi. C'est alors que l'un d'entre eux m'a dit en cachette de son camarade ya am arini Abu Jahl. Oh mon oncle, montre-moi qui est Abu Jahl. Ce sont les gens de Médine, ils connaissent pas forcément le visage de chacun de Quraysh. Faqultu ya ibn akhi, fa ma tasna'u bi? Je lui ai dit oh mon neveu, oh fils de mon frère. Et qu'est-ce que tu veux faire de lui? Que veux-tu lui faire? Qala ukhbirtu annahu sabba rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala wallazi nafsi biyadihi.